vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Jehoachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amasia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Depuis qu'Amasia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Laki, mais on le poursuivit à Laki, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda.